Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issue de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. Festival Leçon Continue cette année, donc édition 2018, il y a eu une carte blanche à Julien de Sailly. Julien de Sailly qui est un Vosgien, enfin qui a démarré, on va dire, sa carrière dans les Vosges, ou sa vie en tout cas, et qui a fait beaucoup de chemin depuis. Et donc il était à l'honneur ce vendredi soir à La Châtre. Et donc c'est avec grand plaisir que je l'accueille pour cette Face Cachée du Folk, de façon à vous présenter un peu ce musicien, son parcours, ses influences, que vous verrez sont très riches et multiples. Bonsoir Julien. Bonsoir. Tu es venu avec plein de musiciens, plein de copains à toi, avec qui tu joues. Tu peux nous présenter un peu ces différents groupes? Ouais, alors c'était articulé sur trois groupes dans lesquels je joue, trois trios je crois, ouais c'est ça. Donc le premier c'était A Spurious Tale, qui est un groupe qui s'appuie plutôt sur la musique irlandaise et qui va vers la musique américaine, en tout cas au niveau des chansons, et avec des petites expériences aussi musicales voilà, en plus. Le deuxième groupe c'était un groupe qui s'appelle Hexagonal Pipers Club, que j'avais fondé avec Romain Casta, donc qui est un autre piper. Donc l'idée c'était de faire entendre du pipe à poil, entre guillemets, avec pas d'enrobage, enfin pas de maquillage. On était rejoint par un percussionniste, Paul Small, qui joue des percus orientales. Voilà. Et le troisième groupe, c'était Mafilaco, donc c'est le groupe le plus récent. On vient de sortir un album d'ailleurs. Celui-là, il a une histoire peut-être un peu particulière. Ça a commencé en Afrique, en fait. En 2012, je suis allé un hiver à Bobo-Dioulasso, qui est une ville de musique, enfin de culture, au Burkina. Et j'ai rencontré un danseur qui s'appelle Yao Kwame, qui m'a hébergé tout un hiver. Et qui était, au bout de trois jours, on avait envie de faire des choses ensemble. Donc on a fait le tour de tout, les meilleurs musiciens de la ville, d'après lui. Donc il m'a présenté plein de gens et on a discuté avec plein de musiciens, des balafonistes, joueurs de kora, de goni, chanteurs, chanteuses, flûte peul, enfin beaucoup d'instruments. Et on a monté un petit projet comme ça avec l'idée que les gens qui venaient, ils avaient envie de participer au projet, que c'était pas par exemple pour l'argent ou des choses comme ça. Ce qui se fait beaucoup là-bas, d'arriver en bon français et de s'acheter des musiciens africains et de faire un groupe voilà, sur mesure, sur place. En plus, ça coûte pas cher pour nous, tout ça. Donc là, c'était pas du tout la démarche, c'était plutôt de regarder, nous on a envie de faire ça, est-ce que ça botte quelqu'un? Et dans le lot, il y avait un gars qui s'appelle Adama Koueta, donc voilà, de grande famille de griots, qui joue la kora, qui est très très bon, qui est un des virtuoses de la kora actuelle, quoi. Et c'était super de jouer avec lui. Il y a des traces de ces expériences-là en Afrique, sur Internet, sur YouTube, il y a encore des vieilles vidéos de ces trucs-là, où il y a 5-6 musiciens, où on joue dans la rue, enregistré avec un petit appareil photo, avec zéro moyen, quoi. Mais il y a des traces voilà, qui existent. Et depuis, en fait, j'avais essayé de les faire venir en France, Yao et Adama, sans succès, parce que c'était une période qui ne le permettait pas. Au niveau papier et tout ça, c'est très compliqué. Du coup, j'ai laissé tomber. Et par chance, Adama a réussi à venir s'installer en France quelques années plus tard, donc il y a 3 ans. Et donc, quand il est arrivé en France, il m'a tout de suite appelé. Et on s'est dit, bon, on monte un truc, au début à deux, et après, on a enrichi le duo avec... on cherchait une contrebasse, et on a proposé à Julien Monneret, qui est un contrebassiste, qui est aussi de la région, on va dire, de Lorraine, qui a grandi à Mirecourt, que je connais je connaissais son père, qui est luthier, Philippe Monneret, que je connais, qui joue très bien, etc. Donc, le trio, c'était ça. Voilà. On va peut-être tout de suite passer à un extrait de votre musique, de ce que vous avez élaboré tous les trois. Donc Mafilako. Mafilako. En fait, c'est du Djula, c'est la langue d'Adama, qui est, c'est comme le Bambara, qui est, c'est à peu près, c'est très proche, quoi, qui est parlé en Afrique de l'Ouest par beaucoup d'ethnies. Ça veut dire quelque chose, du coup ? Ça veut dire musique de deux personnes, quoi. C'est dans l'idée d'une discussion. Sauf que maintenant, on est trois, donc ça marche plus, mais on a gardé le nom. Voilà un morceau assez dépaysant. Donc c'était Mafilako avec entre autres Julien de Sailly, que vous entendez ce soir dans la face cachée du folk comme tous les lundis soirs à 21h sur Radio Fadjet 94.2 à Nancy. Donc Julien, tu nous as présenté tes groupes, dedans tu as cité quelques instruments qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas très répandus en dehors du cercle des musiques traditionnelles ou de la musique du monde, on va dire. Tu peux nous les présenter, je pense, notamment à la kora, au pipe, mais il y a encore plein d'autres choses. Ouais. Alors, si on reste concentré sur le concert voilà, qui a eu lieu au son continu à Ars, il y avait beaucoup d'instruments qui cohabitent pas souvent ensemble. Alors, on va commencer par Adama, vu qu'on en parlait. Adama qui joue la kora. C'est une espèce de harpe africaine, en fait, avec un jeu rythmique qui lui est propre. Comment dire, moi ça m'intéressait parce que c'est un instrument qui est pas dans le par rapport à la danse, c'est un instrument qui est assez faible en termes de volume, donc c'est presque de la musique de chambre africaine Et du coup, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec cet instrument et avec, par exemple, les flûtes irlandaises, pipes, etc. Voilà. Alors que, par exemple, la musique de danse africaine, enfin la musique djembé, etc. C'est des volumes où moi je peux pas rivaliser. Et la kora en plus c'est très très beau, souvent dans le style mandingue. Voilà. Et c'est un instrument qui se retrouve quasiment dans toute l'Afrique de l'Ouest. Autre instrument qu'il y avait hier, donc il y avait Paul Small qui jouait du tombak ou du zarb. C'est deux noms différents pour le même instrument. Ça c'est une percu iranienne d'origine. Qui se joue surtout, c'est une percu digitale, donc qui se, voilà, avec beaucoup de roulements, avec les doigts, etc. Donc je connais pas, j'oserais pas en parler précisément parce que c'est pas mon rayon, mais voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait donc une guitare, c'est un peu plus conventionnel, c'était Eflam Laberi, là, qui joue la guitare. Après, il joue la guitare à cordage dadgad, donc ça veut dire un accordage qui est plutôt utilisé en musique irlandaise, voilà. Il y avait Tom qui jouait du violon, qui avait un quinton aussi. Un quinton, donc, c'est un mélange de violon et d'alto, c'est-à-dire qu'il y a 5 cordes au lieu de 4. Et en plus, lui, il a des cordes sympathiques, tout ça. Il jouait la basse au pied aussi, ça c'est un instrument très rare, qui existe en très peu d'exemplaires dans le monde, qui est une espèce d'accordéon qui se joue avec les pieds et qui fait des sons très très très graves. C'est une espèce de gros soufflet sur lequel on pose les deux pieds et avec des gros boutons et on appuie dessus. Et ça fait pouette, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et donc le pipe qui était un peu au centre de la soirée, vu qu'on était deux pipers, Romain Casta et moi, qui est une sorte de cornemuse un peu particulière, un peu à part, enfin, surtout pour moi, qui est assez complexe quand même dans son fonctionnement, qui a une tessiture, donc un nombre de notes, on va dire, assez important par rapport à d'autres cornemuses. Oui, c'est assez volumineux, hein. Enfin, c'est assez encombrant, mais ça vous appelez pipe, c'est très différent des cornemuses écossaises, enfin, ça veut dire que ça n'a pas grand-chose à voir. Bah, et puis c'est surtout le volume qui a rien à voir, c'est que c'est pas du tout fait pour être joué en extérieur. Par exemple, le biniou ou la cornemuse écossaise ont des volumes très très forts. Moi je sais que dans une pièce avec une cornemuse de ce genre, je tiens pas 5 minutes. Alors que le pipe, ça joue au même volume qu'un violon quasiment. Avec Tom Frodenreich, donc, qui joue le violon, qui joue assez fort, on est quasi au même volume. Et du coup, ça permet, voilà, c'est une musique d'intérieur, c'est la musique de pub en Irlande. Le pipe, ça se joue assis, c'est pas du tout la cornemuse écossaise avec les trois tuyaux sur le dos. Et... qui se joue en défilé ou... Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment de la musique d'intérieur. C'est un peu faux ce que je dis dans le sens où il y a une tradition de musique de rue avec cet instrument que j'aime bien en plus, avec le pipe, avec les travelers, donc les sortes de gitans irlandais. C'est une autre histoire, mais en gros, le pipe, pour le décrire, vu que vous n'avez pas de visuel, il y a une partie mélodique, une sorte de hautbois, une sorte de flûte, quoi, sur laquelle voilà, on peut aussi arrêter le son. C'est une seule cornemuse, on peut arrêter le son, faire des silences. Il y a les bourdons, comme sur beaucoup de cornemuses, il y a trois bourdons, en ré, souvent, ça peut être plus grave aussi. Et, petite particularité, il y a ce qu'on appelle des régulateurs qui permettent avec le tranchant de la main droite ou l'avant-bras de faire des accords pendant qu'on joue la mélodie et pendant qu'il y a les bourdons. Donc ça fait beaucoup de sources sonores. Il peut y avoir sept hanches en même temps. C'est un orgue en fait. Mais c'est le... dans l'historique du pipe, avant de s'appeler Gillian Pipes, il y a eu des versions qui s'appelaient Organ Pipe, donc... cornemuse, orgue, quelque chose comme ça. Ah, moi, cette dimension, je l'aime bien. Il y a un côté plomberie qui est rigolo. Et puis, ça offre des possibilités qui sont énormes, quoi. Comment on peut avoir 7 hanches ouvertes en même temps avec juste finalement 2 mains, quoi ? Le problème, c'est pas tant de les faire fonctionner, c'est plutôt de les régler, les 7 en même temps, parce qu'elles sont centralisées, donc toutes sur la même poche sur laquelle on appuie avec le bras gauche. Et donc ça fait beaucoup de mouvements. Par exemple, le bras droit, du côté droit, j'ai la mélodie sur la main droite. Sur la même main, je fais les accords. Et sur le coude du même bras, j'envoie l'air avec un soufflet dans la poche. Voilà. Donc ça fait, y a pas mal de dissociations de mouvements. Enfin, voilà, c'est assez particulier. En général, tu es accroché à ton instrument. Tu peux pas t'échapper, quoi. Alors on va faire écouter cet instrument avec ton groupe hexagonal. Le groupe s'appelle Hexagonal Pipers Club et par exemple ça peut être, on a un morceau en duo où on entend cet instrument, dans tout, on essaie d'utiliser toutes les possibilités on va dire de l'instrument qui s'appelle Roizen. avec ce morceau, vous avez peut-être plongé dans l'atmosphère d'un pub en Irlande. C'était Hexagonal Pipers Club avec Julien Desailly et Romain Casta. Et donc Julien nous a bien décrit le fonctionnement de cette cornemuse et nous a montré que c'était quand même très complexe. Il faut une grosse indépendance non seulement des mains mais des différentes parties du bras, notamment le bras droit. Et peut-être tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à cet instrument en fait. Bah moi à la base j'étais batteur, donc je faisais de la batterie, c'était mon instrument principal à une époque. Un jour, dans un festival, c'était d'ailleurs à Saint-Chartier, donc ce festival où on a joué hier. Donc Saint-Chartier, l'ancienne version du festival Le Son Continue. Et donc j'ai découvert voilà, la musique irlandaise. Il y avait un groupe qui s'appelait Lunaza qui jouait et j'avais été impressionné par l'énergie dégagée, par la rigueur rythmique. En musique, on va dire amplifiée, on fonctionne un peu par étage, c'est-à-dire qu'il y a en dessous, il y a la batterie qui gère l'assise rythmique. Après, il y a la basse et par-dessus la guitare et par-dessus, par exemple, le chant dans un groupe de rock. C'est un système un peu vertical comme ça. Alors qu'en musique irlandaise, on peut se retrouver avec trois personnes qui jouent quasiment les mêmes notes, qui sont à la même hauteur, donc beaucoup plus horizontales, avec d'un côté un flûtiste, un violoniste et un piper, par exemple, qui jouent la même mélodie. Mais ça envoie quand même très fort. Il n'y a pas besoin de plus. Donc moi, ça m'avait beaucoup impressionné. En plus, tout ça sans amplification, donc sans se brancher nulle part, entre guillemets. Oui, donc ça donne une certaine liberté, en fait. Oui, et puis même, moi, ça m'a séduit, le côté pas être dépendant aussi d'outils, etc. Enfin, et puis t'as tout de suite tu travailles, ton matériau, c'est du son acoustique, quoi. Donc ça m'intéresse bien. Et j'ai mis quelques années à arrêter tous les trucs que je faisais avant. Et j'ai commencé à faire de la 16 pouces en fait, parce que je savais pas par quoi commencer, c'était pas du tout mon milieu, j'ai pas du tout grandi dans un... Enfin quoique, ouais, non, j'ai pas grandi dans la musique et pas dans ces musiques-là. Donc t'es un peu arrivé là-dedans par hasard finalement, parce que t'es arrivé ici. Ah, complètement, ouais, c'était un gros hasard. D'ailleurs, je suis allé à Saint-Chartier à l'époque, pas parce qu'on voulait aller à Saint-Chartier, c'est que... c'était sur la route pour aller en Espagne depuis les Vosges. C'est à mi-chemin et on voulait faire étape quelque part. On s'est arrêté dans un petit village, il y avait une grosse fête. Et vu qu'il pleuvait, ils nous ont laissé rentrer gratuitement et puis ça nous a plu. Donc on est revenu l'année d'après. C'est un peu ça l'histoire. Mais du coup, oui, après, moi j'ai essayé de commencer la cornemuse. Enfin, bêtement, quand tu commences un instrument comme ça, tu te dis, bah, je vais apprendre la cornemuse. Et ce sera peut-être comme la clarinette. Après, il y a différentes tailles, différents modèles, et je m'en sortirai. En fait, chaque cornemuse, c'est un instrument complètement différent. Et après avoir commencé la cornemuse Centre France, donc la 16 pouces, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais si tu veux faire du pipe, il faut que tu fasses du pipe, parce que ça ne va pas forcément t'aider. Faire de la 16 pouces, ça n'a rien à voir, c'est un autre répertoire, c'est une autre musique. Donc joue du pipe, parce qu'en plus, il y a un certain temps d'apprentissage, c'est réputé assez difficile, donc mets-toi-y maintenant, quoi, dépêche-toi. » Voilà. Et c'était Sébastien Martinet qui m'avait lancé un peu là-dedans. Oui, parce qu'effectivement, tu es voilà, vosgien et tu as démarré donc la cornemuse 16 pouces à Nancy, enfin plus exactement à la MJC Lorraine, hein, pour la petite histoire. Et voilà, ça t'a peut-être appris à gérer la poche, mais au-delà, c'était même pas. Ouais, même pas hein. Et Sébastien Martinet qui s'occupait du festival de Saucourt, qu'on a déjà entendu également sur cette antenne. Donc merci à lui de t'avoir orienté. Et donc tu as poursuivi, est-ce que tu t'es débrouillé tout seul du coup pour apprendre le pipe? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements quand même là-dedans. Donc oui, moi la difficulté c'est que j'étais dans les Vosges et j'habitais un moment à Nancy, etc. Donc dans le périmètre autour, il n'y avait personne qui jouait. Et personne qui jouait bien, il y avait peut-être une ou deux personnes qui essayaient. Il y a toujours des gens qui essayent quoi, ce genre d'instrument mais qui n'y arrivent pas trop. Quoi. Moi compris à l'époque, hein, j'étais vraiment mauvais. Tu veux dire que t'as pas démarré tout de suite à... Non, même j'ai acheté un instrument sur internet sans savoir ce que c'était. L'anche marchait pas, mais je le savais pas, donc j'ai mis 2 ans à me rendre compte que l'anche marchait pas. Et en fait, il y a eu un truc qui a été fondateur, c'est qu'il y a un gars, un Irlandais qui allait s'installer en Bretagne, qui s'appelle Brendan Ring, qui est un grand piper, très très bon, assez peu connu parce que c'est, voilà, il a pas de gros groupes qui tournent, etc. Mais c'est un des très bons. Un champion d'Irlande à l'âge de 20 ans, enfin un peu une... Et dans la tradition des Travelers dont on parlait tout à l'heure, Et donc j'ai décidé d'aller voir ce gars. D'ailleurs, après, j'étais animateur à ce cours aussi, animateur BAFA. Donc j'en avais marre des enfants au bout d'un mois. J'avais besoin de silence, donc je suis parti à pied depuis les Vosges jusqu'en Bretagne, en me disant, parce que je l'avais appelé, il n'était pas trop chaud pour me donner des cours, et ouais, il n'était pas, vraiment pas... Ouais, un peu ours, voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas très connu. Mais j'espère qu'il ne m'entend pas. Et du coup, bah, j'y suis allé à pied en me disant, bah, si je fais un effort comme ça, c'est un mois de marche, il y avait 800 km et quelques. Puis en plus, c'est pas rigolo comme marche, c'est le long de l'autoroute. Enfin, à l'époque, voilà. Enfin, bref, c'est une longue, longue histoire. Ce périple, c'était un peu formateur pour moi. Et je suis arrivé chez lui en disant, bon, ben voilà, j'ai fait quasi un mois de marche pour venir te voir et pour jouer du pipe. Parce que j'ai vraiment envie et que, pour l'instant, il n'y a personne qui me file des cours. Il y avait un gars qui était en France, qui était chouette, qui s'appelle toujours Marc Pollier, mais il habitait en Irlande à l'époque, tout ça. Donc je trouvais personne, quoi. Et donc, voilà, avec mon sac à dos, tout ça, il n'a pas pu me dire non. Il m'a hébergé pendant une semaine et on a bossé comme des... On a bossé. Et donc là, il s'est révélé que les anches ne fonctionnaient pas, quoi. Oui, notamment, mais surtout, il m'a donné du travail. C'est le genre d'instrument où il suffit d'une demi-heure de voir un mec qui joue bien pendant une demi-heure et il te donne des pistes pour au moins 10 ans de travail. Donc j'ai fait avec... C'était quasiment mon seul cours, on va dire. Voilà. Alors donc, tu as été formé pendant une semaine là-bas. Après, tu t'es débrouillé. C'est devenu quoi, alors? T'as tout de suite eu les déclics et puis t'as fondé un groupe ou... Non, bah, ça m'a pris beaucoup de temps et puis c'était souvent pas terrible, tout ça. Et des années après, je ne sais plus combien de temps, j'ai rencontré un gars que je connaissais déjà qui s'appelait Flamme, dont on parlait tout à l'heure, qui joue de la guitare, et Tom à Strasbourg. Et puis, pour rigoler, comme ça, on s'est mis à jouer dans la rue. Et c'est de fil en aiguille, après dans des bars et ensuite dans des festivals. Et on a décidé de chercher un nom de groupe parce que ça commençait à ressembler à un groupe. Et du coup, bah, peut-être qu'on peut passer un morceau de ce groupe-là. Ouais, très bien. Et ce groupe, c'est Spurious Tale. Ouais, alors qu'on a déjà un petit peu entendu, je l'ai déjà passé dans l'émission, mais on l'écoute avec grand plaisir. Thank you. Alors c'était Spurious Tale, donc le premier groupe finalement de Julien de Sailly. Pas tout à fait. Non, il y a eu Bartok, qui était déjà pas mal, moi je trouve. Mais bon. Vous écoutez la face cachée du folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. Et donc, voilà, on évoquait avec Julien ses débuts au Pipe. Vous avez tout son historique maintenant. Mais le Pipe, le Julian Pipe, c'est pas le seul instrument qu'il maîtrise, en fait. Il a abordé d'autres instruments, en ayant démarré donc avec la batterie, on a vu. Mais après, il est allé encore au-delà. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, d'ailleurs, j'étais pas du tout bon batteur. Vraiment, c'était pas terrible. Puis maîtriser un instrument, je sais pas si c'est possible. Surtout un instrument comme le pipe qui a sa vie propre, entre guillemets. C'est plus une histoire de. C'est presque tu te bats contre toute ta vie, je pense. Bah, j'aimerais bien évoquer peut-être le travail que je fais avec un autre groupe qui est pas trop dans cette sphère de la musique traditionnelle, quoique. Qui s'appelle Duo de Saï Morel et Pancras. Enfin, on a plein de projets ensemble. C'est la moitié en fait de mes activités. C'est aussi ça. C'est dans un univers de plus de musique expérimentale, donc de recherche en fait, de timbre, de rythme, de voilà, et de lutherie et donc de nouveaux instruments. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que par exemple là au concert à Ars, j'utilisais une boîte à bourdon, je l'ai un peu sous-utilisée, je l'utilisais comme bourdon. C'est un instrument que Léo Morel a inventé, qui est une espèce de vielle à roue motorisée. L'idée c'était de faire un instrument qui soit acoustique sur le principe de l'archet infini, quoi, comme une vielle à roue, avec des gestes, une interface de jeu, on appelle ça, qui sont tirés de la musique électronique, donc c'est-à-dire des curseurs, des potards, et de surtout sortir des gammes traditionnelles, c'est-à-dire du tempérament égal, surtout, c'est-à-dire les notes du piano, pour faire simple. Avoir, par exemple, entre un do et un si, avoir une infinité de possibilités, parce que c'est des intervalles qui ont été choisis à un moment donné, qui sont un peu arbitraires, on va dire. Donc voilà, il y a tout un travail autour de la lutherie là-dessus, et notamment récemment, là, il y a un gros projet qui tourne, qui s'appelle Pancras, qui est autour d'un orgue, encore une fois fabriqué par Léo Morel, sur lequel nous aussi on bricole, on intervient en tant que musicien. Donc un orgue éclaté, donc comme un orgue d'église, mais qu'on peut positionner dans l'espace, qui est un peu tentaculaire, comme ça, avec des espèces de tubes qui vont partout, une soufflerie au centre. Voilà, donc là, l'idée, c'est de manipuler du son. Et de là où c'est un lien avec la musique traditionnelle, c'est qu'on a des instruments en musique traditionnelle qui ont une richesse de timbre qui est énorme. C'est pas des instruments contraints, c'est des instruments très... vivant, enfin, c'est... Oui, et puis qu'on peut faire évoluer énormément, en fait. Oui, qu'on peut faire évoluer. Après, nous, pendant des années, il y a eu l'ambition de faire évoluer ces instruments-là en allant vers le rock ou le jazz, alors que nous, la perspective d'évolution, c'est plutôt d'accepter que ces instruments-là, ils piquent un peu les oreilles, que c'est un peu rugueux, rustique, un peu sauvage. Et que du coup, il y a un lien plus évident en fait avec la musique expérimentale qu'avec le jazz ou le rock ou même la musique classique. Il y a eu plein de tentatives de ce genre. Moi, c'est moins mon truc. Par contre, d'assumer ce côté, l'identité des instruments et puis de l'utiliser, du coup, de sortir de son contexte et de l'utiliser en musique expérimentale, c'est un peu mon... c'est un peu mon cheval de bataille, on va dire. Voilà. Donc oui, on s'arrêtera là-dessus, sur ces perspectives, donc à suivre, probablement, avec un dernier morceau. Et ce sera avec un morceau de Pancras, qui sort un album cette année. Les musiciens sont Julien de Sailly, Léo Morel, Yann Visoki, Arden Day et Prune Béchaud. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. La face cachée du folk, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, pour réécouter ce programme et les précédents, rendez-vous sur www.fadjet.net/lafacecachéedufolk, mais aussi sur Mixcloud. Pour être au courant des prochaines interviews, abonnez-vous à la page Facebook. Et n'hésitez pas à me contacter via Fadjet. À la semaine prochaine! Merci.